Un nuage de fumée me contient. Dans un simple joint, ma rage je contiens. Un liquide nocif m'atteint, puis soudain, le malin qu'il contient déteint sur mes traits. La toute vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Quand nos peines se dressent au-dessus de nos forces. La toute vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Lorsqu'on est devenu ce qu'on n'a pas voulu être. Un nuage de fumée me contient. Dans un simple joint, ma rage je contient. Un liquide nocif m'atteint, puis soudain, le malin qu'il contient déteint sur mes traits. La tout vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Tout vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Mon âme blâme, que l'on plane dans une atmosphère de drame au rame. Un nuage de fumée me contient. Dans un simple joint, ma rage je contient. Un liquide nocif m'atteint, puis soudain, le malin qu'il contient déteint. Chacun nuage de fumée néfaste me contient. Parce que dans un simple joint, ma rage je contient. Très bien, à qui cela profite, dis-moi qui y tient. Mesquins sont restés ceux qui ont décidé d'élire les tiens. À petit feu, mais à coup sûr, je consume mon futur. Ce nuage devient un mur, que je crois me protéger des coups durs. En fait, chacun de nous sait fuir une réalité ou s'être enfermé. Mais dans un vice qui devient vite ton complice de tous les jours. Laisse-moi m'exprimer à ce sujet. Et te démontrer le jeu auquel on est sujet. On nous a vu spliff à la bouche dans la Tessie, déambuler dans les rues sans même faire gaffe au plus petit. Faut pas que tu te trompes. On nous a également montré l'exemple. On aurait pu penser que ça nous aurait servi d'exemple. Mais incapable à ce jour d'assumer nos responsabilités, on préfère leur dire. Je vais te niquer si je te vois fumer. Comme si ça nous avait empêché de le faire. Regarde comme tu t'affaires sur les traces de Lucifer. Car comme tout le monde, t'as pensé pouvoir gérer. Maintenant t'allumes un spliff avant même d'avoir déjeuné. Un nuage de fumée, infâme, enfume ton âme en vain. T'essaies de semer les drames qui consument ton âme. Accepte qu'à l'évidence, une dépendance s'établit. Tu noies ton cerveau dans l'absence. Et peu à peu tu t'oublies, simulacre quoi. D'une vie qui t'a fait battre en retraite. Parce que t'es devenu ce que t'as pas voulu être. Si la vérité je viens faire éclater, c'est sûrement que je me trouvais dans un moment de lucidité. Car un nuage de fumée m'a trop souvent ralenti. Perverti mes pensées ou ramolli l'esprit. Et je prie pour que mon petit frère n'en soit jamais épris. Je prie pour que ma vie s'éloigne à jamais de ce vice. Un nuage de fumée me contient. Dans un simple joint, ma rage je contiens. Un liquide nocif m'atteint, puis soudain, le malin qui me contient déteint sur mes traits. La tout vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Tout vient abstrait, je tire un trait sur le respect. L'âme, l'âme que l'on plane dans une atmosphère de drame. J'ai qu'un liquide fluide nocif m'atteint, puis soudain, le malin qu'il contient déteint sur mes traits. La tout vient abstrait, je tire un trait sur le respect. L'inconvénient, tu sais, c'est qu'avant de penser, je fais. C'est vrai, combien de tes refrains ont dû maîtriser l'alcool, mais sont tombés sous son effet quand un liquide fluide nocif coule dans ton sang. Je sais qu'en quelques temps, tu te sens un combattant, un guerrier, un chevalier. Pour tout niquer, t'as pas besoin d'allier. Tu fais des trucs de fous alliés, damnés. Pire encore sont ceux qui ont détruit leur famille, battu leur femme, maltraité leur gosse dans un simple verre. Leurs rêves se condamnent lorsqu'on est devenu ce qu'on n'a pas voulu être. Vie déçue, s'auto-détruire, voilà ce qu'on se met en tête. Et ça c'est vrai, pour toi, lui et moi. On se maintient sur le fil de la vie jusqu'au faux pas. As-tu observé la tristesse de ceux qu'on loupe et leur jeunesse? Donc se noie dans l'ivresse, ont des blessures profondes. Sur leur sort se morfondent en fait. Quand on s'enferme dans une bouteille, c'est qu'il y a quelque chose qu'on regrette. C'est net, net et clair, clair. Vie dans le flash est un éclair, clair. Les conséquences morales sont aussi amères que sévères. Première chose, je fais du mal à ceux que t'aimes. J'ai jamais su pourquoi on fait du mal à ceux qu'on aime. Est-ce l'express, profondeur de nos peines qui nous assène d'une haine qui elle entraîne une violence quotidienne, qu'elle soit physique ou morale, perpétrée ou subie, à chaque fois elle fait mal. Un nuage de fumée me contient. Dans un simple joint, ma rage je contiens. Un liquide fluide m'atteint, puis soudain, le malin qui le maintient déteint sur mes traits. La toute vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Tout vient abstrait, je tire un trait sur le respect. La toute vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Tout vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Un nuage de fumée me contient. Dans un simple joint, ma rage je contiens. Un liquide nocif m'atteint, puis soudain, le malin qui le maintient déteint sur mes traits. La toute vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Tout vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Mon âme blâme que l'on plane dans une atmosphère de drame en rame. Un nuage de fumée me contient. Dans un simple joint, ma rage je contiens. Un liquide nocif m'atteint, soudain, et sous le malin qui le maintient déteint sur mes traits. La toute vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Tout vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Mon âme clame que l'on plane dans une atmosphère de drame, rame. Un nuage de fumée me contient. Dans un simple joint, ma rage je contiens. Un liquide nocif m'atteint et soudain. Le malin qui te contient déteint sur mes traits. Là tout vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Tout vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Là tout vient abstrait, je tire un trait sur le respect. L'inconvénient, tu sais, c'est qu'avant de penser, je paie. Je tire un trait sur le respect.